Bonjour et bienvenue sur France Culture pour l'ultime étape d'une grande traversée de l'œuvre et de la vie d'Albert Camus. Albert Camus, la pensée de midi. Alors, pour ce dernier voyage, vous entendrez d'abord quelques archives, bien sûr, qui évoquent les goûts littéraires d'Albert Camus. Et si j'ai bonne mémoire, vous entendrez même la voix de son maître, Jean Grenier. Puis c'est Michel Bouquet en personne, acteur et donc ami de Camus, qui prendra la parole pour évoquer son interprétation de Scipion dans la première distribution de Caligula, mais aussi le rôle de Stéphane qu'il tint dans Les Justes et de l'ignoble Verkhovensky, à qui le Stéphane des Justes doit son prénom, dans l'adaptation que fit Camus des Possédés au Théâtre Antoine. Le dimanche après-midi, Camus et ses amis, Fouché, Maison Seule, Benisti, Louis Miquel, allaient boire leurs 20 ans dans les dancings de Babelwed, le bal Matarese et les bains Padovani, où Camus ferait bientôt le metteur en scène pour la première fois de sa vie. Il traquait là-bas les Espagnols qui travaillaient dans les usines de tabac et les serrait dans leurs bras, comme le raconte Fouché, avec le sentiment d'étreindre la grande déesse prolétarienne de la Méditerranée. C'était la fin du lycée, c'était le début des femmes, et Camus découvrait aussi avec le plaisir du corps le désir impérieux d'écrire. Son professeur de philosophie, Jean Grenier, développait alors sous ses yeux éblouis l'idée fulgurante d'un bonheur sans espoir et lui faisait lire Lao Tzu et les Hindous, mais aussi Chesterton et Kierkegaard, Spinoza, Descartes et Platon. « Il nous fallait des maîtres plus subtils, écrit Camus, et qu'un homme, par exemple, né sur d'autres rivages, amoureux lui aussi de la lumière et de la splendeur des corps, vint nous dire, dans un langage inimitable, que ses apparences étaient belles, mais qu'elles devaient périr et qu'il fallait alors les aimer désespérément. » Un jour, inquiet de son absence, Grenier s'informa et apprit que Camus était malade. Il sauta dans un taxi et se rendit sans prévenir de l'autre côté d'Alger, à Bellecour, dans l'appartement de son meilleur élève, qu'il trouva alité, de mauvaise humeur et les poumons en sang. Camus n'aimait pas qu'on le vît dans cet état-là et c'est par des monosyllabes presque hostiles qu'il répondit ce jour-là, du bout des lèvres, aux questions inquiètes de son maître à penser. Je vous propose maintenant d'écouter Camus et Jean Grenier au micro de Pierre Cipriot dans l'émission Thèmes et controverses du 15 mars 1956. Je voudrais qu'Albert Camus, qui fut élève de Jean Grenier en classe de philosophie, fixe pour nous quelques souvenirs. J'ai connu Grenier il y a 25 ans, j'en avais donc 17, et il a été mon professeur de philosophie. J'ai l'impression que Grenier jouait un peu un rôle, c'est-à-dire que il essayait d'être un professeur tout à fait scolaire. Il y réussissait fort mal, je dois dire, et c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite été passionné et, en somme, influencé directement par ses cours et par sa manière d'enseigner. Et par la suite, comment avez-vous vu cette œuvre se développer ? Cette œuvre est venue à moi plutôt que je ne suis venu à elle. Et j'ai lu, en somme, le livre de mon professeur. Ce livre s'appelait « Les îles ». Les îles ont joué pour moi et pour un certain nombre de jeunes gens que je connais le rôle qu'a joué un autre livre, « Les nourritures terrestres », pour d'autres jeunes gens, de la même génération d'ailleurs. Les nourritures terrestres n'ont pas joué pour moi le même rôle, attendu que, jeune barbare vivant en Afrique du Nord, je n'avais pas trop besoin qu'on m'apprenne à jouir directement de l'existence, mais j'avais besoin peut-être qu'on m'apprenne à sentir d'abord et, s'il était possible, à penser ensuite. Et le livre de Grenier, Les îles, a découvert pour moi une sorte d'univers de l'intelligence et de la sensibilité qui m'a touché directement, je dois dire, d'abord par des moyens d'art, comme il est naturel pour un très jeune homme. Je trouvais, et je trouve toujours, car c'est un livre que je n'ai pas cessé de relire depuis 25 ans, que depuis Chateaubriand et Barrès, on n'avait pas écrit le français de cette manière-là. Je veux dire qu'à cette langue qui passe pour un peu sèche et froide et un peu angulaire, Grenier a su donner une sorte de mollesse, de flexibilité, une musique en somme, qui personnellement m'a transporté. Et je dois dire que, de ce point de vue, ce livre est à l'origine de mes propres préoccupations et de mes ambitions d'écrivain. Ma conception générale n'est pas humaniste, parce que l'humanisme, tel qu'on l'entend d'habitude, correspond à une conception, il me semble, très étroite, très limitée de l'homme et de l'humain. Et justement, ce qui m'a beaucoup intéressé dans les pensées d'Extrême-Orient, que je suis scandalisé de voir tellement négligée encore maintenant, parce qu'elle représente quand même une partie si importante de l'humanité, eh bien, j'étais frappé de voir que dans ses pensées, il y avait quelque chose. S'il y a un humanisme, il était en tout cas très différent du nôtre. Ordinairement, quand on s'attache à cette notion d'homme, on aboutit toujours à considérer un type privilégié. Le sage pour la philosophie antique, le saint pour tout le christianisme. Vous évitez cette classification par type. J'évite cette classification par type, d'ailleurs, tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement, tout simplement. À vrai dire, si j'ai écrit, c'est parce que je me sentais poussé à écrire, mais je n'avais pas souvent d'idées extrêmement préconçues sur ce que je dirais. Il me semble que j'ai toujours considéré l'homme et l'humain par rapport à deux pôles. C'est l'animal et, disons, le surnaturel, le divin. Or, ce sont ces deux choses-là qui m'ont le plus intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est justement ce qu'il y avait chez l'homme, cette partie qu'il y avait chez l'homme d'animal et de divin. Ne croyez-vous pas, Albert Camus, que nous sommes là devant une étude de l'homme qui tranche par rapport aux philosophies traditionnelles? Enfin, je pense au cartésianisme, par exemple, quand Descartes cherchait à définir l'homme, il définissait l'homme comme une pensée pure, pensée qui pouvait se multiplier à l'infini et créer entre les différents sages qui parlaient la même langue une sorte d'unanimité. Oui, je crois que, sauf erreur, il est difficile de dire que Grenier est un humaniste. Il me semble qu'on ne le trahirait pas trop, mais il nous dira ce qu'il en pense. Si on disait que pour lui, l'homme est beaucoup plus et beaucoup moins que l'homme, et qu'il a le souci constant de retrouver ses doubles racines, si j'ose dire, ses racines naturelles et ses racines célestes, et qu'il erre, en somme, sur le règne humain en cherchant à boucher tous les trous et à faire en sorte que l'homme ne soit pas cette chose isolée entre la nature et ce qu'on peut appeler Dieu. Peut-on dire que Jean Grenier est un philosophe? Parce que la philosophie, entendu au sens strict, c'est précisément cet effort pour nous limiter nous-mêmes, pour nous définir nous-mêmes le plus étroitement possible, pour retrouver le chemin qui nous conduit à nous-mêmes. Naturellement, les professeurs de philosophie ne trouveront pas que c'est un philosophe, mais les professeurs de philosophie n'ont jamais trouvé que ceux qui n'étaient pas professeurs n'étaient pas philosophes, malgré Platon, malgré Descartes, malgré Spinoza, malgré tous les grands noms de la philosophie. Ceci dit, pour moi, Grenier, en plus d'un artiste, et parce qu'il est un grand artiste, et représente justement le type du philosophe, je veux dire celui qui pose ce que Chesthoff appelait les questions dernières. Puisque vous avez parlé de racines célestes, ou plutôt je crois que c'est Albert Camus qui a parlé de racines célestes tout à l'heure, d'origine céleste, il est certain que c'est une chose qui m'a toujours préoccupé, comme je crois énormément d'hommes, n'est-ce pas, de point de vue. C'est le fait que l'homme est un peu étranger au monde, dans lequel il est pourtant destiné à vivre, qu'il y a un certain malaise, qui quelquefois va très loin à ce point de vue-là, le problème de la mort, et ainsi de suite, et que finalement, la vie monastique peut paraître, par exemple, comme un idéal de perfection et de bonheur. Oui, votre écriture qui peut paraître placide, au fond, constamment, cache des pièges. Et vous nous présentez la condition de l'homme comme une condition sans cesse menacée. Mais comment alliez-vous cette philosophie du risque avec la philosophie du courage, qui est au fond le dernier mot de votre morale? Je ne sais pas si j'ai une philosophie du courage, puisque j'essaie, au contraire, d'éviter le risque. Et que je voudrais... Je le sens de tous les côtés, particulièrement celui de la maladie, de la vieillesse, de la mort. Vous avez constamment insisté pourtant sur la nécessité d'un choix qui au départ peut être arbitraire, mais qui étant posé en fonction d'une haute idée que nous avons, non pas de nous-mêmes, mais de la destinée humaine, nous oblige à nous aligner sur un ordre de valeurs. C'est ce que j'appelle précisément peut-être le courage, enfin abusivement, mais je crois que c'est également du courage intellectuel. Oui, je crois que le choix est nécessaire, mais je ne sais pas s'il est possible. En tout cas, il est très difficile à faire, et j'admire ceux qui le font véritablement, ceux qui prennent vraiment leurs risques, ceux qui n'ont pas peur de rester, enfin, comme nous le sommes presque tous à cheval, entre deux selles. Oui, je trouve que c'est très, très bien de le faire, que c'est très bien de parier sur ce qui est le tout. Vous êtes constamment revenu dans vos livres sur la sensibilité du XXe siècle en la définissant comme une sensibilité d'indifférence. Par rapport à cette sensibilité d'indifférence que vous avez analysée, êtes-vous à l'intérieur de l'indifférence ou en dehors de l'indifférence ? Je voudrais y être, dans l'indifférence. Je n'y suis malheureusement pas. Je voudrais y être, et c'est pour cela que justement, ce qui m'est apparu comme un des aspects, disons, du divin, c'est justement cette possibilité d'indifférence. Possibilité d'indifférence qui, je crois, est malheureusement refusée à l'homme, qui est obligé de trouver quelque chose en contrepartie. C'est la fidélité, par exemple, c'est le courage, des choses comme cela. Mais constamment, il semble que, en deçà de votre métaphysique, il y a toujours des problèmes locaux, précis, singuliers, qui nous reprennent, qui reprennent l'homme dans votre pensée. Constamment, vous êtes obligé de revenir à la morale, de revenir à la vie sociale. Est-ce une nécessité dialectique ou une nécessité de tempérament ? Ou simplement une nécessité tout court, le fait de vivre, tout simplement. Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. Voilà, je crois tout simplement que, d'une part, je ne peux parler de quelque chose véritablement que lorsque je l'ai senti, lorsque je l'ai éprouvé, lorsque je la touche, pour ainsi dire, lorsque j'ai un point de contact. Par conséquent, il faut que ce soit pour moi un problème de sensibilité avant d'être un problème intellectuel. J'essaie d'éclaircir ces choses-là, de les transformer en autre chose que des contacts, et c'est tout ce que j'ai pu essayer de faire. Maintenant, vous me parlez de questions sociales, etc. Je suis très mal à l'aise dans ces questions-là, dans cette espèce de d'enserrement de l'individu, n'est-ce pas, dans la société, mais je n'ai rien pour et maintenant rien contre. Enfin, dans la mesure où vous auriez à prendre parti sur les diverses définitions de l'homme, je crois qu'il y en a deux au fond, l'une qui définit l'homme par son intériorité, l'autre qui le définit par les rapports qui le lient à un milieu social ou à un milieu biologique. Oui. De quel côté seriez-vous ? Eh bien, je vous répondrai que je laisse à beaucoup d'autres le soin d'être du second côté. Parce que ils sont tellement nombreux à notre époque, et d'ailleurs j'en approuve beaucoup, que je ne vois pas pourquoi je me mettrais à leur place. Alors on comprend qu'au fond, toute cette analyse de l'indifférence que vous avez si souvent reprise et qui revient d'ailleurs dans ce livre sur l'humain, a chez vous une sorte de valeur critique, c'est une façon de nettoyer le monde devant l'homme et de tout ouvrir à son intelligence. Qu'en pensez-vous, Albert Camus ? Je crois simplement que sur la question précise que vous avez posée à Grenier, il n'a pas envie de venir au secours de la victoire. C'est le propre des esprits distingués. Et en effet, aujourd'hui, l'explication économique et même biologique est un peu la tarte à la crème. Si un philosophe doit avoir un rôle, c'est d'essayer de déranger les lieux communs. Évidemment, nous devons obéir chacun à notre vocation, n'est-ce pas ? Je n'ai pas à parler de choses pour lesquels je ne me sens pas fait. Et en même temps, vous êtes persuadé que chacun, au départ, offre une sorte de terrain plastique et qu'il appartient à chacun de définir sa propre nature par son acte, par son action, en sorte que ce moment du choix que vous laissez au gré de chacun est pour vous capital. Oui, c'est assez juste, c'est assez vrai. Est-ce que ça ne vous rapprocherait pas trop d'une attitude existentialiste, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas quelques nuances à ajouter à une définition de cet ordre? Oui. Ce qui me gêne dans l'existentialisme, c'est justement la manière dont l'existentialisme traite le problème de la vérité. Et bien entendu, je crois que si j'avais à parler de cela aujourd'hui, n'est-ce pas, enfin ne serait-ce qu'à moi-même, je ne redirais pas toujours ce que j'ai pu écrire. Je crois qu'il y a une vérité. Je ne sais pas toujours quelle elle est, mais je crois à la vérité. Par conséquent, rien que cela, quand on croit à la vérité, cela vous sépare beaucoup des existentialistes, n'est-ce pas ? Mais par le fait même, vous semblez nier qu'il y ait la possibilité d'une sorte de communauté de penseurs à notre époque. Chacun travaille un peu dans son coin et parle une langue pour lui, avec son public à lui, mais sans qu'il y ait le circuit souhaitable qui pourrait précisément établir cette communauté de vérité. Parce que la vérité, au fond, elle a besoin d'être partagée. Et pas simplement par ceux qui lisent leur auteur favori. Je ne sais pas si elle a besoin d'être partagée. Enfin, il semble... Elle a besoin d'être vécue aussi. Elle a peut-être, oui, besoin d'être vécue, mais enfin partagée. Et partagée par un grand nombre, je n'en suis pas sûr, n'est-ce pas? Parce qu'il faut encore en être digne. Nous ne sommes pas tous dignes de connaître la vérité ou même de la chercher. Et à ce point de vue-là, je pense qu'il faut souhaiter pour les autres le bonheur, mais la vérité, il faut la souhaiter aussi seulement. C'est une autre question. Après avoir incarné le temps du mépris de Malraux avec ses camarades du théâtre du travail, Camus rédigea un drôle de texte, un peu prémonitoire, intitulé « Révolte dans les Asturies », qui raconte un soulèvement de mineurs en Espagne, leur proclamation d'une république des ouvriers et des paysans, et leur reddition devant la contre-attaque du gouvernement espagnol. La pièce, qui ne le méritait pourtant pas, fut interdite par le maire d'Alger, et Camus protesta tout seul dans le désert pendant les vacances de Pâques, alors que tous ses amis étaient retournés à Oran. Mais Camus avait fait la connaissance en terminale d'un jeune homme de 21 ans, Edmond Charlot, futur éditeur, qui s'arrangea pour fabriquer 500 exemplaires de Révolte dans les Asturies au prix global de 500 francs et vendit la totalité du tirage en 2 semaines. C'est Charlot d'ailleurs, plus tard, qui sera l'éditeur du premier vrai livre de Camus, intitulé « L'envers et l'endroit ». Je vous propose d'écouter maintenant Edmond Charlot, mais aussi l'ami Emmanuel Robles, parler de Camus, et enfin Camus lui-même parlant de « L'été », le recueil où il décline ses mots préférés en nouvelles lumineuses, le monde, la douleur, la terre, la mer, les hommes, le désert, l'honneur et la misère, et qui fut mis sous presse au lendemain de ses 40 ans. Et je connaissais déjà Camus, enfin j'avais déjà vu Camus, je le connaissais pour l'avoir rencontré à la faculté, et je l'ai rencontré chez Jean Grenier, vraisemblablement dans l'été 33. J'avais été bavardé avec Jean Grenier un après-midi, et il m'a, à ce moment-là, présenté à Camus, et il a dit à Camus, vous devriez donner un texte à Charlot, il veut faire de l'édition. C'est comme ça que j'ai eu ce premier texte. En réalité, j'en ai eu deux à la fois. J'ai eu Révolte dans les Asturies, qui était un essai de théâtre collectif, et j'ai eu L'envers et l'endroit, quelques mois après. Alors que je devais... imprimer L'envers et l'endroit beaucoup plus tard, j'ai imprimé Révolte des Asturies immédiatement pour avoir des textes comme ça, tout de suite. Nous l'avons mis en vente, je me souviens toujours, ça se vendait 5 francs, il y avait une bande interdite par la municipalité et ça nous a valu des quantités d'enduit, enfin on a manqué à être saisi. Finalement, ça s'est vendu tant bien que mal, enfin ça a mis 5-6 mois pour se vendre, on avait tiré à 500 exemplaires. Et, mon Dieu, c'est une chose auquel on n'a plus pensé, à laquelle on n'a plus pensé tout de suite. Il est bien connu que beaucoup de traits des livres de Camus sont empruntés à cette époque de sa jeunesse en Algérie que vous avez vécue ensemble. Mais, Emmanuel Robles, pensez-vous que la part d'autobiographie soit si importante dans l'œuvre de Camus? Je crois que vous avez à ce propos une précision assez peu connue. Je la dois à mon ami Charles Poncé qui me disait ceci, Meursault et la combinaison, si vous voulez, de mer et soleil. Avec mer et soleil, il y avait là les deux symboles qu'affectionnait Camus. Et d'abord, on trouve dans Alger républicain ce pseudonyme-là de Jean Meursault pour signer un article politique de la fin de 1939. C'était déjà la guerre. Et puis ensuite, on retrouve le mot transformé en Meursault dans L'étranger, qui était écrit d'ailleurs dans ces années-là. En ce qui concerne le personnage de Meursault, je suis persuadé qu'il y a des traits biographiques. Il y a évidemment tous les plaisirs que prenait Camus lorsqu'il allait, par exemple, se baigner dans le port. tout le récit des baignades dans le port d'Alger, puis des promenades dans Algéville, tout cela est recréé d'après des souvenirs précis, et même dans la psychologie de Morceau, il faut bien considérer que ce morceau est nourri de la pensée et de la vie, même de Camus. Dans la collection Les Essais de la librairie Gallimard paraît un nouveau livre d'Albert Camus, L'été. Ce livre est un recueil de textes composé de 1939 à 1953. Mais ces textes ont une unité et Albert Camus lui-même estime que ce livre peut être considéré comme ou bien une suite de Noces ou tout au moins comme dans la lignée de Noces. Et je vais lui demander tout de suite quel est le lien qu'il trouve entre tous les textes qu'il a réunis dans L'été. Et ce lien est celui-là même qui réunit les textes de Noces, justement. Tous les textes de ces secondes Noces sont consacrés à la nature, et en particulier à la nature méditerranéenne. Et c'est un genre, en somme, où j'ai commencé à la suite de Jean Grenier, qui m'a influencé, je dois dire, dans le choix de ce genre. Avant d'avoir lu Noces, je connaissais L'envers et l'endroit, ce livre de vous fort mystérieux, puisque tous les lecteurs d'Albert Camus ont entendu parler de L'envers et l'endroit, mais n'ont pas eu la chance de le lire. Je crois qu'il n'en existe que 350 exemplaires. J'espère qu'on le rééditera un jour. Est-ce que vous ne croyez pas, Albert Camus, que L'envers et l'endroit est lui aussi le précurseur de l'été au même titre que Noces? Il l'est pour une moitié au moins de son inspiration, puisque L'envers et l'endroit comportait des textes dont les uns, eux aussi, se référaient à la nature et à la nature solaire, et dont les autres faisaient allusion à une expérience que je pourrais appeler l'expérience de la pauvreté, et qu'on retrouve alors dans une autre partie de mes livres, au contraire. Dans les textes qui datent de 1939, il m'a semblé sentir des résonances ou des influences qui se perdent ensuite dans ce que vous avez écrit, Albert Camus. Je me demande par exemple si dans le texte intitulé « Le Minotaure » et qui figure dans ce recueil, l'été, on ne sent pas un petit écho de Monterland. Et je voudrais vous demander à ce propos quelles étaient vos lectures au moment où vous avez commencé à écrire et quels étaient les auteurs qui comptaient pour vous. Eh bien, j'ai débuté dans le métier des lettres par l'admiration. Quand je suis arrivé à Paris, on m'a dit qu'il convenait de débuter, au contraire, par la critique. Mais en fait, pendant ma jeunesse, j'ai beaucoup admiré un certain nombre d'écrivains, et pour des raisons d'ailleurs différentes, comme Gide, comme Malraux, comme Monterland, et très certainement, je ne refuserai pas leur influence. Je voudrais passer à un autre des textes de l'été, celui qui s'appelle L'énigme. Je le trouve très important parce que vous vous expliquez très franchement avec le lecteur sur ce que l'on a appelé l'absurde et vous essayez d'arracher de vous cette étiquette, l'étiquette absurde qui est malheureusement, dites-vous, accolée au nom d'Albert Camus. Eh bien, naturellement, après 20 ans d'exercice d'un métier, il arrive souvent, surtout en littérature, qu'on se sente un peu écrasé sous le poids de non seulement de ce qu'on a écrit, mais de l'interprétation qu'on fait de ce que vous avez écrit. Alors naturellement, j'ai essayé de me débattre, d'où l'énigme où en effet j'essaie d'expliquer que, en somme, pas si absurde que ça, n'est-ce pas? Et enfin, je voudrais dire un mot de La mer au plus près, qui est le dernier texte de l'été et qui est le plus lyrique. Dans ce texte, La mer, j'ai essayé de mettre certaines tendances, certains goûts, certaines exaltations aussi que je sens et que j'ai rarement eu l'occasion d'exprimer depuis quelque temps, étant donné qu'à cause de circonstances extérieures, et d'ailleurs qui serait trop long de définir, j'ai été un petit peu enfermé dans, comment dirais-je, mon métier ou ma réputation d'écrivain moraliste. Or, le poids de la morale, c'est comme le poids de la vertu, c'est assez exaspérant. Et la poésie, si on veut appeler ça comme ça, m'a permis là une sorte de délivrance dont je sens le besoin. L'univers de Camus est silencieux, Mais les filles qui le croisent ne résistent guère, elles, au discours du jeune homme et de ses yeux gris et verts. Un jour, le jeune Don Juan fit la connaissance de Simone Hillier, une garçonne sublime, libre, morphinomane et cynique, d'un an sa cadette, une menteuse aux paupières mauves et en fume-cigarette, dont le beau visage ovale, les longues jambes et le nez droit rendaient fous ses soupirants, parmi lesquels Max-Paul Fouché, l'ami de Camus, qu'il a rencontré quand elle avait 16 ans et à qui elle s'est fiancée malgré l'opposition farouche de son beau-père. Mais Max-Paul venait de fonder la Fédération des Jeunesses Socialistes d'Algérie et dut beaucoup voyager pour aider à la constitution de sections dans d'autres villes, laissant le champ libre à Camus, qui annonça lui-même à son ami malheureux que Simone l'avait choisi, lui, et qu'elle ne viendrait plus. Quand on est Camus, on ne couche pas avec les femmes de ses amis, mais on se fâche avec ses amis avant de les mettre dans son lit. Je vous propose d'écouter maintenant Max-Paul Fouché, par rancunier, revenir sur les goûts littéraires de Camus et les premières lectures qu'ils faisaient en commun, ainsi que Jean Negroni, le comédien metteur en scène qui dut à Camus de devenir un homme de théâtre. Max-Paul Fouché, savez-vous quels étaient les goûts littéraires de Camus à cette époque ? Ah, mais je les connais parce que comme nous n'étions pas riches l'un et l'autre, nous nous prêtions nos livres. Nos livres, c'était d'abord les revues. Cela commençait par les revues. Camus était extrêmement attaché à lire la Nouvelle Revue Française. Avant tout, ce qu'il lisait à cette époque, c'était Nietzsche, Dostoïevski, Égide. Pour des raisons à la fois très différentes et très semblables. Nietzsche, il le voyait dans sa vraie lumière, non pas comme l'apôtre facile d'une volonté de puissance qui serait inhumaine, mais il voyait en lui, je me souviens, le poète. Et à cette époque, nous nous récitions par cœur certains passages de Zarathoustra, ce que je serais en la capacité de faire aujourd'hui. En tout cas, nous étions aussi bien excités par la pensée de Nietzsche que par sa formulation. « Mon âme est une fontaine jaillissante », dit Zarathoustra, cette phrase nous ravissait et nous mettait vraiment dans un état de transe. Il nous semblait que si nous devions écrire, c'était comme Nietzsche. Dostoïevski, je crois que le culte de Camus pour Dostoïevski, le culte qu'il avait alors pour Dostoïevski, n'a pas changé tout au long de sa vie. Je n'apprendrai rien à personne en disant qu'il l'a même transcrit pour le théâtre. Dans Dostoïevski, il trouvait ce tourment d'âme qu'à cette époque, romantique encore comme il l'était, ce tourment d'âme, n'est-ce pas, le séduisait aussi. Il aimait assez, au fond, jouer aux Russes, à avoir l'âme russe, selon Dostoïevski. Je sais bien qu'en disant cela, je vais surprendre beaucoup de ceux qui n'ont pas connu vraiment Camus dans l'intimité à cette époque. Je vais surprendre ceux qui le lisent aujourd'hui. Mais il y avait un Camus qui était prêt à commettre le crime. J'exagère, mais c'est parce que je prends un titre célèbre de Dostoïevski comme exemple. À commettre la faute, tout au moins, pour connaître le châtiment. C'est ce Camus, à la fois russe et chrétien, qui me surprenait toujours à cette époque. Et si nous n'étions pas devant un micro, je raconterais des faits de sa vie privée qui prouveraient absolument ce désir de commettre la faute pour peut-être connaître le rachat, en tout cas certainement connaître le châtiment. Voilà un Camus auquel on ne pense pas, je crois. Gide, troisième personnage, eh bien parce que Gide, c'était d'abord un maître de style. Et puis parce que notre génération était marquée par Gide. Le Gide de famille, je vouais, le Gide de l'immoraliste, le Gide qui nous délivrait par sa lecture de ce milieu étouffant d'Alger petit bourgeois. Jean Negroni, nous savons qu'une des principales préoccupations du Camus de 20 ans était le théâtre. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais dites-nous déjà, quels étaient, en matière de théâtre, ses auteurs de prédilection ? Je sais qu'il aimait particulièrement Eschyle, qu'il aimait beaucoup Shakespeare, qu'il aimait énormément Claudel, mais je sais aussi qu'il avait un goût très particulier pour les Russes. Vous savez qu'il avait un goût profond pour le roman russe, Dostoïevski d'ailleurs il l'a prouvé, et qu'il avait déjà envie d'adapter, sinon Les Possédés, du moins je crois Crime et Châtiment. Il aimait Pirandello, il en sortait des pièces, et notamment les pièces de Pirandello qui avaient pour objet la création, le problème de la création de l'auteur et de ses personnages. C'était une chose qui le tentait particulièrement. Il aimait Pirandello, il aimait Strindberg, il aimait les Espagnols. Il adorait les Espagnols, il avait une passion pour le siècle d'or, et il pensait que c'était un trésor perdu, qui n'était pas assez joué, qu'il fallait absolument le remettre en train. Et en plus, à l'époque, il faut bien dire qu'il cherchait une expression méditerranéenne du théâtre. Et bien sûr, il la trouvait plus facilement à travers les Espagnols du siècle d'or. Les amis de Camus parlaient bien de lui, mais lui-même parlait bien de ses amis, parmi lesquels Henri Calais, écrivain singulier, confidentiel et talentueux, que Camus avait rencontré à Combat et qui fut l'auteur d'une quinzaine de livres avant sa mort en 1956. Je vous propose maintenant d'entendre Camus parler de Henri Calais le 7 février 1957 dans le cadre du Masque et la Plume, l'émission produite alors par François-Régis Bastide et Michel Polac. Henri Calais se singularisait de bien des manières dans notre société littéraire. Il savait écrire d'abord, puis il n'a jamais, je dis bien jamais, trahi la liberté. Enfin, il ne haïssait personne. Chez lui, le cœur et le talent se ressemblaient. L'un s'ajoutant à l'autre, il a écrit sur des thèmes modernes une œuvre aux résonances classiques. Il a mis en effet au service des humbles une pudeur de style, des raccourcis, des litotes, enfin, qui avaient traditionnellement servi dans notre littérature à exprimer les sentiments des grands de ce monde. Comme Madame de Clèves découvrait que Monsieur de Nemours ne la haïssait pas, Calais nous faisait savoir que les guerres, l'Europe ensanglantée et les menaces atomiques donnaient des préoccupations à ses voisins du 14e arrondissement. Par là, son œuvre était nouvelle et on ne l'a pas assez dit. Les livres qui, depuis nos naturalistes, mettent en scène les pauvres gens sont généralement assez bavards. Calais a démontré qu'il était inutile de tant parler pour faire revivre les muets de l'histoire. C'est à Jules Renard qu'il fait penser parfois, mais ses livres sont plus émouvants parce qu'il était plus ému. Il aimait tous ses modèles. En dehors des indispensables vertus de style, une œuvre se juge finalement parce qu'elle ajoute à la somme de haine ou d'amour qui est au travail dans le monde. De ce point de vue, très peu d'œuvres contemporaines, c'est là ma conviction, seront sauvées. Mais parmi elles, les livres de Calais ne seront certainement pas oubliés. J'ai connu Calais à partir de 1944 à Combat, où l'avait introduit Pascal Piat, qui était son ami de longue date. On m'a dit récemment que Calais parlait volontiers de ce qu'il appelait la bonne époque de Combat. C'est un sentiment que je suis heureux de partager avec lui. Nous étions une poignée d'hommes qui, pendant quelques années, avons essayé de faire un journal qui ne mente pas. Les maîtres à penser et les professeurs d'efficacité, ce sont d'ailleurs les mêmes de notre époque, n'ont pas manqué de nous faire savoir qu'il y fallait beaucoup de prétentions. Eh bien, nous avons tout de même fait ce pari, et nous l'avons tenu, et nous tous, avec Calais, en sommes restés fiers. Calais, en tout cas, demeure un des plus dignes témoins de cette entreprise, avec ce livre, qui contient beaucoup de ses articles de Combat. Et de même qu'il arrivait qu'un des articles venus à la rédaction, et qui plaisait particulièrement à l'un d'entre nous, fut lu à haute voix par ce dernier, de même je voudrais vous lire ce soir un des articles de Calais. Ce sera une manière de nous asseoir encore avec lui, comme autrefois, autour de la grande table de bois blanc tachée d'encre, brûlée de cigarettes, où, comme autrefois encore, il saura, sa manière ironique et tendre, interrompre discrètement nos discussions passionnées, pour nous rappeler que l'histoire est peut-être facile à penser, mais qu'elle est dure à vivre pour tous ceux qui, humblement, la subissent dans leur chair. Voici l'article de Calais. Il s'intitule « Un sujet de conversation ». Nous parlons beaucoup du charbon et comme rêveusement depuis que nous n'en avons plus. On aime parler de ce qui n'existe pas, de ce qui est perdu, consumé, on aime les cendres. On parle du charbon, on croit voir de précieuses pépites noires, des flammes, on croit sentir une chaleur, mais ce n'est qu'un petit délire onirique. Le radiateur reste glacé. Alors nous devenons tristes, ou bien d'autres fois nous nous emportons contre nos gouvernants. Il existe ce charbon quelque part dans le Nord, pensons-nous, il n'est que de l'extraire en somme. Et l'on se dit que les mineurs devraient fournir un effort plus grand. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, les mineurs ? Les mineurs n'entendent rien de nos récriminations ou de nos encouragements. Ils se trouvent trop loin dans la terre, à 250, 300, 350 mètres. Il y a quelques mois, je suis descendu dans une fosse à 260 mètres. C'était une vraie galerie, et non pas la galerie spéciale, peu profonde, appelée Galerie des ministres, et réservée aux cortèges officiels. Le ministre, déguisé en mineur, serre la main sale d'un brave herscheur qui se tient là, sourire, photo, forte phrase sur un noble métier, on repart. Non, c'était une galerie ordinaire où des hommes travaillent tous les jours. On s'y fait, m'a certifié l'ingénieur, on se fait à tout. À ce poids de terre et d'air sur la poitrine, à cet étouffement lent, à cette poussière, à cette peine imméritée, au danger. Nous marchions. Les galeries devenaient moins larges, la voûte plus basse. Nous avons rencontré des chevaux tirant des berlines chargées et quelques hommes muets. L'ingénieur paraissait fier de ses chevaux. Ils ne sont pas aveugles. Ils remontent au jour une fois par semaine, le dimanche. Il leur administrait de bonnes tapes. En effet, ils étaient bien portants, un peu passifs, m'a-t-il semblé, ou découragés, ou songeant à des dimanches d'herbe, si les chevaux songent parfois. Nous avancions dans ce monde souterrain, monde pas fait pour des hommes, ni même pour des chevaux. Puis nous nous sommes engagés, les pieds devant, dans un trou très étroit. « Laissez-vous glisser sur le derrière », m'a conseillé le chef Porion qui me précédait. Au bout de la pente, des ouvriers creusaient à plat ventre une veine de 40 centimètres. Ils ont suspendu un instant leur travail pour regarder ces gens qui avaient l'air de s'amuser. Nous avons retrouvé une autre galerie. Pendant 3 heures, j'ai glissé, rampé, grimpé. J'avais hâte de revoir un ciel bleu, ou gris, mais un ciel, et des hommes qui auraient un teint naturel, qui n'eussent pas tous été grimés en nègre. Dehors, nous avons pris enfin un bain. Un vieux gardien a voulu me laver le dos à l'éponge. On ne m'avait jamais fait offre si gentille. Je pouvais rentrer à Paris. J'étais pressé de le faire. La France a besoin de charbon, certes, et les Français surtout. J'ai vu ce charbon, mais il faut l'aller prendre, creuser les veines. Et ce n'est pas moi qui dirais aux hommes de Délois ou d'ailleurs d'en mettre un coup. Tout de même, qu'on répugnerait à exciter l'ardeur des soldats qui vont dans une bataille où ils pourraient mourir. Après tout, je ne suis pas tenu de parler, je ne suis pas ministre. Le radiateur est glacé. Albert Camus est un écrivain spinoziste. L'idole de Sartre, c'était l'histoire, mais le dieu de Camus, c'est la nature. Le monde est beau, dit-il, et hors de lui, point de salut. Autrement dit, l'artiste n'est pas là, ici et maintenant, pour nous emmener ailleurs, mais au contraire, pour nous donner à vivre ce que nous avons sous la main, sous les yeux, le sel de la mer, le dessin des collines, le bleu d'un ciel tout vide et la douleur des hommes. Ce n'est pas à la littérature ni à la philosophie de nous donner des raisons de vivre, mais à la vie elle-même de donner des raisons de souffrir, d'aimer et donc de penser. Je vous propose d'entendre maintenant Camus au micro de Jean Maugin, le 13 septembre 1955, précisant le sens de cette vocation artiste qui transcende, par la communion avec le monde, son rôle éventuel de philosophe, journaliste, dramaturge, écrivain, acteur ou metteur en scène. On sait plus trop souvent, je crois, à confondre en Albert Camus l'artiste, le moraliste et même et surtout le philosophe. Monsieur Albert Camus, je voudrais vous demander... Tout d'abord, que pensez-vous de cette confusion dont vous êtes souvent victime ? Eh bien, c'est une confusion inévitable, mais si tant est que le point de vue d'un artiste sur lui-même soit le bon, je voudrais insister sur le fait que, personnellement, je me sens et je me considère d'abord comme un artiste. Évidemment, pardon, je ne voudrais pas vous interrompre, mais je crois que vous pensez que votre cheminement d'homme et votre cheminement d'artiste vont de pair. Oui, il me semble que je suis incapable de parler d'autre chose que de ce que j'ai éprouvé. Et même, j'irai plus loin, il y a en moi une sorte d'incapacité que je ne présente pas avec gloire, mais d'incapacité en tout cas à parler d'autre chose que de ce que j'ai longtemps éprouvé. Et il m'arrive souvent... dans mon travail d'artiste, d'exprimer, de parvenir à donner une forme à des sentiments ou à des idées qu'au fond j'éprouve depuis longtemps sans avoir osé jusque-là leur donner cette forme et cette expression. Mais donc on peut dire que chez vous, les maîtres mots, les mots clés qui sont dans votre œuvre et que surtout on a extrait de votre œuvre pour les mettre en exergue, les mots absurdes et les mots révolte, ne sont pas du tout le résultat d'une détermination intellectuelle et surtout pas cérébrale, mais le résultat d'une expérience sentimentale, presque affective. On peut le dire. Évidemment, c'est le destin de tout artiste que d'être enterré sous les formules qu'il a trouvées. Et je ne vois pas pourquoi j'échapperais personnellement à ce destin. Il n'empêche que, dans la mesure toujours où je puisse avoir une opinion sur moi-même, les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos sont des notions vécues pour moi. Je veux dire que, au fond, je parle de ce que tout le monde connaît. Et je ne peux pas parler d'autre chose pour la raison excellente que je ne me sens pas une sensibilité originale à part. Je me sens une sensibilité semblable à celle des gens qui m'entourent. Je ne me suis jamais senti séparé. En ce qui concerne l'absurde, c'est une expérience que tout le monde peut faire dans le tramway, dans un taxi. Enfin, c'est un sentiment de séparation et d'étrangeté que j'ai essayé d'analyser. Et naturellement, un sentiment ne peut pas tout recouvrir, on ne peut pas tout expliquer par ce sentiment. Et j'ai toujours fait la critique de ces impressions qui étaient les miennes, si bien que j'ai été amené à faire la critique de la notion d'absurde, bien que ce fût une notion profonde en moi, de même que j'ai été amené à faire la critique de la notion de révolte, bien que ce fût aussi une notion profonde en moi. En somme, je pourrais dire que je marche du même pas comme artiste et comme homme, et que cela peut expliquer ce qu'on a appelé mes évolutions. En fait, ça n'est pas mon œuvre qui évolue, c'est ma vie. Nous ne sommes pas ici, M. Camus, bien entendu, pour faire de la philosophie, mais je crois que justement, avant de quitter ce terrain de l'absurde et de la révolte dans les mots, il faudrait tout de même que vous nous donniez votre formule. On a dit, certains de vos commentateurs ont dit que pour vous, l'absurde, c'était une espèce de relation, que c'était la relation du monde tel qu'il est, tel qu'il nous apparaît, du monde irrationnel, et de la conscience humaine. Que l'absurde, c'était ce qui résultait de l'affrontement, du confrontement, je crois que vous dites quelque part, le confrontement de ce monde irrationnel et de la conscience de l'homme. Est-ce que ça vous paraît valable comme définition ? Ça me paraît d'autant plus valable que je n'en suis pas l'inventeur, et oui, qu'en somme, depuis Pascal, c'est un thème qui a été largement exploité. Et pour la révolte, alors ? Le mot révolte, évidemment, implique, à première vue, dans l'esprit de qui que ce soit, un sentiment, pas d'orgueil, mais enfin, d'insurrection complète. Or, je crois que ça s'est, à travers votre œuvre, infiniment nuancé, et que si on cherchait dans votre œuvre à reprendre les diverses définitions que vous donnez de la révolte, on aurait un spectre, comme on dit dans les sciences physiques. On aurait en effet un spectre, et pour la raison excellente que la révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. Je crois que c'est parfaitement clair. Je voudrais vous demander encore, puisque vous avez dit très bien que chez vous le sentiment de l'absurde ne vous séparait pas du tout des autres hommes, mais qu'au contraire vous le considériez comme une des données essentielles à la conscience de tout homme, pourquoi, cependant, l'homme d'aujourd'hui serait-il plus sensible à l'absurde? J'entends, il me semble, enfin, qu'on ne trouve pas dans la littérature classique, par exemple, de grandes marques de ce sentiment. Pourquoi l'homme d'aujourd'hui est-il plus sensible à l'absurde que l'homme du XVIIe, par exemple? Mais naturellement, il y est plus sensible, puisqu'il a perdu à la fois ses racines et ses cadres. Il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. En somme, je rendrai ce que je veux dire clair en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins. Je crois qu'une des choses qui, plus tard, vous distinguera des écrivains d'aujourd'hui, c'est le style. Je pense que pour vous, le style est absolument inséparable de toute œuvre, contrairement au concept trop souvent admis aujourd'hui. Oui, je sais que la mode aujourd'hui est de considérer que mal écrire est une condition pour bien penser. C'est un principe qui n'est pas le mien, je le dis sans hésiter. Et je trouve d'ailleurs qu'avant de faire le procès du style, il convient que les écrivains fassent leurs preuves. Ensuite, ils pourront le faire. En tout cas, pour moi, puisque vous me demandez mon opinion, je la dirai catégoriquement, en dehors du style et de la composition, il n'y a pour moi que des écrivains secondaires, des polygraphes, des tâcherons qui peuvent être utiles dans leur métier, dans leur recherche, mais qui, en tant qu'artistes, restent au second plan. Je crois que c'est là une déclaration dont il importe tout de même de souligner l'importance, parce que on se sert trop souvent de votre nom, comme celui de quelques-uns de vos grands contemporains, pour autoriser l'édition de toute une série d'œuvres que l'on couvre du titre trop facile de témoignage. Une dernière question, Monsieur Camus, et c'est celle de Camus, homme de vertu. On veut, à la lecture de vos livres, que vous soyez dans le panorama de la littérature contemporaine, l'homme de vertu. Eh bien, ça prouve qu'on les lit mal, les livres en question. Car il serait facile d'y trouver, au contraire, l'aveu d'une... je ne dirais pas d'une faiblesse, pourquoi ça ne peut pas appeler ça une faiblesse, mais enfin, l'aveu d'une parenté extrêmement fidèle et extrêmement consciente avec ce qui, dans tous les hommes, se trouve aussi éloigné de la vertu que possible. Si une expérience m'est étrangère, c'est certainement celle de la vertu toute pure, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire. Voilà, pour clore cette ultime session d'archives, et à l'attention de ceux qui, sans l'avoir lu depuis longtemps, doutent peut-être encore du talent exceptionnel de Camus, eh bien je vous propose d'entendre l'écrivain lui-même lire l'un de ses textes, extrait de Noces. Écoutez-le, vous jugerez ensuite. Des millions d'yeux, je le savais, avaient contemplé ce paysage florentin, et pour moi, il était comme le premier sourire du ciel. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme, il m'assurait que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Le monde est beau, et hors de lui, point de salut. La grande vérité que patiemment il m'enseignait, c'est que l'esprit n'est rien, ni le cœur même, et que la pierre chauffée par le soleil ou le cyprès que le ciel découvert a grandi, limite le seul univers où avoir raison prend un sens, la nature sans homme. Et ce monde m'annihile. Il me porte jusqu'au bout, il me nisse en colère. Dans ce soir qui tombait sur la campagne florentine, je m'acheminais vers une sagesse où tout était déjà conquis, si des larmes ne m'étaient venues aux yeux, et si le gros sanglot de poésie qui m'emplissait ne m'avait fait oublier la vérité du monde. C'est sur ce balancement qu'il faudrait s'arrêter. Singulier restant, où la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir, où l'esprit trouve sa raison dans le corps. S'il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui. Et ce chant d'amour sans espoir qui naît de la contemplation peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Au sortir du tombeau, le Christ ressuscitant de Piero della Francesca n'a pas un regard d'homme. Rien d'heureux n'est peint sur son visage, mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre. Car le sage, comme l'idiot exprime peu, ce retour me ravit. Mais cette leçon, la dois-je à l'Italie ou l'ai-je tirée de mon cœur? C'est là-bas sans doute qu'elle m'est apparue. Mais c'est que l'Italie, comme d'autres lieux privilégiés, m'offrait le spectacle d'une beauté où meurent quand même les hommes. Ici encore la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant? Même si je la souhaite, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. On comprend rarement que ce n'est jamais par désespoir qu'un homme abandonne ce qui faisait sa vie. Les coups de tête et les désespoirs mènent vers d'autres vies et marquent seulement un attachement frémissant aux leçons de la terre. Mais il peut arriver qu'à un certain degré de lucidité, un homme se sente le cœur fermé et sans révolte ni revendication tourne le dos à ce qu'il prenait jusqu'ici pour sa vie, je veux dire sans agitation. Si Rimbaud finit en Abyssinie sans avoir écrit une seule ligne, ce n'est pas par goût de l'aventure ni renoncement d'écrivain, c'est parce que c'est comme ça. Et qu'à une certaine pointe de la conscience, on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous de ne pas comprendre selon notre vocation. On sent bien qu'il s'agit ici d'entreprendre la géographie d'un certain désert. Mais ce désert singulier n'est sensible qu'à ceux capables d'y vivre sans jamais tromper leur soif. C'est alors, et alors seulement, qu'il se peuple des eaux vives du bonheur. Voilà, c'est avec les mots d'Albert Camus, lui-même lisant le plus beau de ses propres textes, Le désert, à la fin de Noces, que s'achève cette ultime étape, cette ultime aventure dans la grande traversée que nous consacrons à l'œuvre et la vie du grand philosophe. Et maintenant, c'est le grand Michel Bouquet en personne qui s'apprête à évoquer pour vous l'amitié qui le liait au metteur en scène Albert Camus. Il y a dans ce peuple une incurable propension à la facilité et à l'insouciance. Il accepte ses maîtres, mais il ne les respecte pas. On croit qu'on l'atteint, qu'on le jugule. On s'aperçoit qu'il est plus occupé à jouer aux boules ou à caresser des filles qu'à fixer la ligne de son destin. Je haïssais les aristocrates avec leur façon de sourire de tout, mais je me demande maintenant s'ils n'avaient pas tout simplement cristallisé et grossi en eux l'insouciance de tout ce peuple. Le dernier des sans-culottes en France a encore des talons rouges. L'insolente nation! Tu veux faire une loi contre l'insolence? Je veux faire une loi qui les oblige à réapprendre le respect. Je crois qu'il faut leur refaire Dieu maintenant. Nous ne leur ferons pas passer autrement leur ignoble envie de vivre. Un Dieu à nous. Un Dieu que nous aurons bien en main. Retour à Camus donc, avec aujourd'hui le témoignage de Michel Bouquet, qu'on ne présente pas, sauf pour rappeler qu'il fut à l'âge de 19 ans Scipion dans Caligula, puis Stéphane dans Les Justes, et enfin 10 ans plus tard Verkhovensky dans la mise en scène que Camus fit des Possédés. Ces deux, pour commencer, que nous allons parler maintenant avec Michel Bouquet donc. C'est une des spécificités particulières en littérature, je crois, qu'un livre précède une suite d'événements qui collent complètement à ce qui est arrivé dans l'existence quand les choses se sont mises en marche, quoi. C'est très étonnant. Et quand on pense à la trajectoire des personnages, des démons de Dostoïevski, enfin des démons ou des possédés, hein, puisque oui. On l'appelle indifféremment comme ça, quand on pense à leur trajectoire, on se dit que, d'une certaine manière, Camus n'a rien inventé. Non. Il a repris là une inspiration très très forte. Il y a quelque chose de très... Son idée, enfin l'idée qui le menait de monter ça, c'était uniquement pour son expérience de mise en scène. Il retrouvait une équipe et travailler pour le théâtre avec l'équipe qu'il avait choisie. Il y avait Pierre Blanchard, pour le rappeler, oui. Il y avait Pierre Blanchard, vous donc, Michel Bouquet, Pierre Vanek, oui. Qui faisait Stavrogin, oui. Catherine Sellers, oui. Et puis il y avait aussi Blin. Et il y avait, Charles Denner, oui, mais il y avait beaucoup de... Il avait constitué une équipe très importante et je sais que moi j'étais pas très tenté de jouer le rôle. On me collait un petit peu à cette époque-là, et après d'ailleurs encore plus, des rôles qui ne me disaient rien, qui donnaient une image qui ne me plaisait pas, qui ne m'intéressait pas tellement. Il faut rappeler quand même pour nos auditeurs, oui. Que dans Les Possédés, vous jouez le rôle du fils de Verkhovensky, oui. Qui est un des possédés. Ah bah oui, un des pires. C'est enfin, même un des pires. C'est le pire, je pense. C'est probablement le pire parce qu'il est pervers. Enfin, moi, je sais que quand Camus m'a demandé de le faire, j'avais déjà joué deux pièces de lui. J'avais créé Caligula pour le rôle de Scipion, et j'avais joué déjà Les Justes, en création aussi des Justes, avec Maria Cresares et Serge Reggiani. Donc, on était déjà des camarades, parce qu'avec Camus, on était très vite, je veux dire, un camarade. Et il n'y avait pas, je me rappelle d'une sortie du conservatoire, d'un examen, d'un concours, où nous concourions pour la première fois, Gérard, Philippe et moi, et puis je donnais la réplique à Gérard dans le Fantasio, la réplique de Spark, pour sa scène de concours, et moi j'avais concouru aussi. Et il avait 21 ans et vous 17, chose comme ça. 19, j'avais à ce moment-là, 18 ou 19 ans. Et j'avais donné une réplique dans le concours de tragédie, une réplique à un camarade qui passait Néron, une réplique de Narcisse dans le Britannicus de Racine. Et Camus nous attendait à la sortie, c'était à l'Odéon, c'était juste à la fin de l'occupation. Enfin. Et le concours avait lieu à l'Odéon. Et sur le parvis de l'Odéon, ils nous attendaient tous les deux pour nous dire « Écoutez, si vous êtes libre en septembre, j'aimerais bien que vous jouiez, vous Gérard Caligula, et puis vous Michel Bouquet, que vous jouiez Scipion. » Et vous n'étiez pas libre en septembre, hein. Oui, j'étais libre en septembre, mais j'étais pas libre à partir de novembre. De là, le fait que vous ayez joué 30 représentations dans le rôle. Mais il m'a dit, ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. Vous ferez les 30 premières et puis vous partirez ensuite, oui, parce que je devais reprendre. J'avais signé le contrat, donc je pouvais pas me démettre. J'allais jouer au Palace, à ce moment-là c'était un théâtre, et au Palace j'allais jouer une reprise de La Célestine, qui avait été un très grand succès pour le rôle de Parmenot dans la pièce de Horace. Et donc j'ai joué des 30 représentations. Mais donc on formait déjà, avec Camus, dans l'instant même où il demandait quelque chose à quelqu'un, il y avait une fraternité immédiate. Vous ne le connaissiez pas ? Qui se produisait pas du tout. La première fois que vous l'avez vu, c'était sur le parvis de l'Odéon. Voilà. Et il nous a demandé ça. Alors, on était très contents, très heureux d'avoir été distingués, mais on connaissait l'étranger. Mais c'est tout. Mais enfin, c'était quand même très important. Donc, vous sortiez qu'on se représente la scène, vous sortiez donc avec Gérard Philippe du théâtre de l'Odéon. Veniez de passer une audition. Et Camus était là devant. Voilà. Et vous qu'il était venu voir. Oui, il avait vu le concours et puis, donc, il nous a demandé de faire ce travail. Alors, on en était tout à fait contents et ravis et heureux. Et puis, voilà, on a. quelques jours après, on a commencé à répéter à Héberto, et avec Poletli qui mettait en scène, et puis la distribution qu'il avait mise sur pied avec Vitali, avec toutes sortes de gens qui ont fait des carrières importantes après. Les costumes de Marie Vuitton. Oui, de Marie Vuitton. Oui. Un décor de... C'était Louis Michel qui avait fait le décor. Oui, oui. Et alors, voilà, on a donc... était en fraternité, si on peut dire, avec Albert, et puis il nous emmenait de temps en temps, pendant les Justes aussi, après, quand j'ai joué les Justes, après, il nous emmenait comme ça, on faisait des virées, on allait manger, boire, après les répétitions, comme ça, il nous emmenait voir la tombe de Van Gogh, par exemple, à Auvers-sur-Oise, ou tout ça... On était tout de suite en lien familier avec lui. C'est ça qui était extraordinaire chez lui. D'emblée. Et sans aucun jugement, sans aucun... Vous voyez, les gens de cette époque-là étaient des gens qui étaient issus de la résistance. Et c'était des gens qui étaient, je veux dire... Ils faisaient pas de manière. Non, ils étaient de plein pied immédiats. Avec, il y avait une vraie fraternité. On ne parlait pas de fraternité, mais on en faisait vraiment. Est-ce que vous aviez... Comme M. Jourdain fait de la prose. On en faisait sans savoir. Il était venu me voir jouer dans La Mouette. Je ne le savais pas. Et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas, il a téléphoné chez ma mère et il a demandé à me voir. Il m'a donné rendez-vous chez Lip. Il avait un manuscrit. Et il m'a dit, voilà, si vous aimez la pièce, et si le rôle vous plaît, il est à vous. Catherine Sellers, au micro de Lucien Atoun, en 2002. Je ne le connaissais pas autrement. Et donc, j'ai été émerveillée, je dois dire, parce que, à l'époque, vous savez, on faisait beaucoup passer d'auditions, de lectures, de tests. Et là, pas du tout. Il m'a donné le manuscrit, il m'a dit, voilà, si ça vous plaît, prenez-le, lisez-le, on le fait. Je l'ai lu, je l'ai aimé, et on l'a fait. Tel il a été dans cette première rencontre que j'évoque, c'est-à-dire la générosité même, l'élégance, le respect. Tel il était comme metteur en scène, pas seulement pour moi, hein, pour tout le monde. Il y avait un amour... Parce qu'il y avait un rapport de séduction en même temps. Il était séduit par les acteurs et il était dans une attente et dans une tendresse extraordinaire vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis de tous les acteurs. Je devais partir un petit peu en tournée en Algérie pour jouer... Britannicus, et puis il m'a écrit une lettre en me disant combien il m'enviait d'être en Algérie, etc. Il faut dire pour nos auditeurs que nous sommes dans les mauvaises années algériennes, puisque nous sommes la création en 56, octobre 56. La guerre d'Algérie est commencée depuis un moment, on appelait les événements, mais c'était la guerre d'Algérie quand même. Absolument, et quand je l'ai rencontré, c'était donc en mai 56. Il revenait de ce séjour calamiteux en Algérie, où il y avait eu, vous savez, cet appel à la trêve civile, où il avait été très chahuté et bouleversé. Donc tout ça le remuait beaucoup. Je suis revenue, nous avons commencé les répétitions en juillet. On a fait 80 répétitions, de 1h à minuit. Et on a commencé le Requiem le 20 septembre. Oui, il était répugnant comme le mal lui-même. Un petit homme brun, une sorte de blatte, mince et noire, méchante. Mais c'était aussi un déséquilibré, un anormal, sexuellement impuissant. Elle doit vous dire cela aussi. Cher oncle Gavin, oui, cela aussi je le dirais. Une vraie malchance, je n'ai même pas eu la faiblesse de la chair pour excuse. Quoiqu'une impuissance la fascine parfois, surtout si... Mais ce n'est pas alors la chair qui est fascinée, la bonne, la tendre, l'excusable chair. Qu'importe, j'ai choisi de rester avec le meurtrier, comme si je ne pouvais pas... Non, je ne pouvais pas me séparer de lui. Est-ce que vous aviez lu Caligula avant qu'il vous le propose ? Non, non. Mais je l'ai lu tout de suite, évidemment, quand il avait deux brochures, il nous en a donné une à chacun. On a été frappés, évidemment, par le ton. Mais on avait déjà lu L'Étranger. Moi, j'avais déjà lu L'Étranger. C'est pas pareil. Et donc, j'étais déjà extrêmement frappé. Parce que quand L'Étranger est sorti, vraiment, ça a été un événement très important. Mais très, très important. C'est un livre extraordinaire. Oui, c'est un livre étonnant. C'est un de ses plus beaux, avec La Chute, moi, je trouve. C'est les deux moments de Camus. On est à 20 ans d'intervalle, oui. Quasiment, disons, 16-17 ans d'intervalle, oui, courte oui. vie de Camus. Et il livre avec L'Étranger le personnage d'un homme qui commence par l'indifférence et qui se termine par une espèce de tendresse pour le monde alors qu'il est condamné à mort. Oui. Et dans La Chute, il montre un personnage qui au début est jovial, sympathique, charmant, très content de lui-même et qui termine dans le désespoir le plus sombre. Oui, oui. Le Camus de La Chute est un Camus déprimé. Oui, c'est un Camus, je ne sais pas. Avec lui, c'est très difficile de savoir si l'expérience de la vie sur lui a créé le personnage de La Chute. S'il s'introduit lui-même dans le personnage de La Chute, je ne pense pas. Je pense que l'honnêteté de Camus est la chose principale. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne se permettait pas de jouer avec la vérité. Il montrait tout de lui. Il montrait tout de sa démarche, et avec la vie, de ses difficultés à être honnête finalement, ou de ses difficultés à être, dans une espèce de symbiose avec la vérité, quoi. Dans La Chute, ce que vous dites est si juste, si j'ose dire, que dans La Chute, on a un homme qui décrit ses défauts, en disant « Maintenant que je m'accuse, je peux vous juger de nouveau », alors qu'il vient de se reprocher de se sentir supérieur. Et donc, constamment, on ne sait pas s'il raconte sa vie pour pouvoir juger l'autre ou s'il s'excuse d'avoir fait ce qu'il a fait. Oui, et qui se permet en plus de faire une démarche vers la liberté et même vers une certaine forme d'anarchie. Mais qui teste en quelque sorte, ça sent dans L'Homme révolté, c'est très net, il teste les possibilités de fascination que peut avoir la révolte ou que peut avoir l'anarchie, et il les récuse. Mais ayant lui-même, je veux dire, été tenté. Il avait un tempérament libertaire, quand même. Oui, mais complètement. Et c'est ça qui fait toute la saveur de son action par rapport à la littérature ou au théâtre. C'est l'honnêteté profonde de cet homme qui n'hésite pas à se montrer tel qu'il est et qui combat constamment pour tirer de lui la synthèse de ce qui sera la chose qu'il peut se permettre de dire aux autres. Mais par exemple, dans la Chute, Clamence, le personnage, enfin l'homme du soliloque, Clamence, les amis de Camus disaient le reconnaître quand Clamence parlait de ses relations avec les femmes. Oui. Où il se montrait... assez donjuanesque. Donjuanesque, égoïste, et parfois capable d'un amour, de se persuader qu'il aimait, etc. Mais en même temps, le personnage de Clamence incarne aussi, aux yeux des mêmes personnes, les défauts que Camus trouvait aux existentialistes qui lui reprochaient l'homme révolté. Donc les personnages sont complexes, parce qu'ils sont tissés de Camus et de ses ennemis en même temps. Mais bien entendu. Moi, je trouve que le trajet de la vie de Camus en tant que littérateur est impeccable, est magnifique, et au-delà même de son œuvre. Je trouve que c'est peut-être la chose la plus importante, c'est sa vie. C'est la manière dont il s'est comporté en vie. C'est un homme admirable. Pour moi, c'est un des êtres les plus sincères que j'ai rencontrés dans ma vie. Les plus exemplaires, les plus hommes. Enfin. Il assumait ses propres contradictions en permanence. Et combattait. Il combattait pour savoir, comme Caligula combat constamment pour approcher d'une explication possible de cette condition humaine qui est la nôtre. pour essayer d'y voir clair, de comprendre pourquoi on est là. Et en fait, pour échouer d'avoir une réponse définitive, mais son comportement dans le combat, lui, est exemplaire. Donc on peut trouver dans son combat exemplaire matière à comprendre l'œuvre, si vous voulez, ou admettre l'œuvre, quoi. Par exemple, sur la question algérienne, vous étiez ami de Camus à ce moment-là. On se sentait ami de Camus, mais on ne l'était pas vraiment. Mais il avait le don de la fraternité, donc on se sentait tout à fait ami avec lui. Mais on n'avait pas l'outrecuidance de penser qu'on était vraiment ami de lui. Il n'y avait aucune démagogie, si vous voulez, dans sa démarche. Aucune. Mais il nourrissait quand même pour ses acteurs une affection tout à fait particulière, non ? Oui, mais sans plus. Mais quand il en avait besoin, il savait être charmeur. Et il avait un charme étonnant. Et je sais que moi, quand par exemple il m'a demandé de jouer dans Les Possédés, je lui ai dit, j'aime pas ce rôle, ne m'intéresse pas beaucoup. C'est un rôle énorme, gigantesque, mais ça ne m'intéresse pas tellement de fréquenter cet homme-là. Et il m'a dit, j'ai absolument besoin. On s'était rencontrés à un déjeuner, j'ai hésité très longtemps. On a parlé, puis finalement je lui ai dit oui, parce que je me suis dit, j'ai pas le droit de le priver d'un pion dont il a absolument besoin. Alors, des trois épisodes camusiens de votre parcours théâtral, si j'ose dire, c'est-à-dire Caligula, Les Justes et Les Possédés. Les Possédés ont une particularité, c'est que Camus est cette fois-ci effectivement metteur en scène, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste autour, parce que les autres sont mis en scène par Paul Hetley. Là, Camus est dans le rôle du metteur en scène. Ouais. Quel genre de metteur en scène c'était ? Parce que au début, il n'a cessé de dire que c'était pas vraiment son métier non plus, celui de metteur en scène. Donc comment il faisait travailler ses acteurs ? C'est difficile à dire. Il distribuait très bien, il avait très bien distribué Les Possédés. Il distribuait très bien et il avait demandé à Maillot de faire le costume et décor. Et Maillot s'est contenté de faire des décors extrêmement, sans tenir compte du contexte. Ne tenant pas compte du contexte du livre, de ce que tout le livre... Est-ce qu'il était directif, par exemple, ou est-ce qu'il laissait ses acteurs évoluer ? Oui, non, pas trop. Parce que ceux qui ne connaissent de Camus que ce que ses biographes en racontent, et dont je fais partie, lisent que Camus, quand il était metteur en scène, quand il faisait son boulot de metteur en scène, faisait, donc organisait évidemment une lecture assis, et puis ensuite il disait, vous pouvez lire en marchant et en allant où vous voulez, sentez-vous libre, appropriez-vous le rôle. Est-ce que vous avez souvenir de ça, ou est-ce que c'est une invention des biographes? Moi, je me préoccupais que de moi, vous savez, les acteurs sont de terribles personnes, parce que j'attends tout, moi, de moi. Tout ce que je pense d'un rôle, je n'attends pas qu'un metteur en scène me le souffle. Parce que je vais le défendre très mal si je souffle la pensée d'un autre. Il faut que ce soit moi qui soit en cause. Donc, l'acteur a tendance, si vous voulez, a tendance à ne s'occuper que de son rapport avec Dostoïevski et son rapport avec l'adaptation de Camus. Et surtout son rapport avec le fameux Verhovensky. Essayer de lui donner une existence sans le trahir. C'est-à-dire d'en restituer la complexité. Oui, d'en restituer. Ou son absence de complexité. Parce que, en fait, c'est un provocateur et c'est un personnage qui a existé après ça à des millions d'exemplaires. C'est un personnage fanatique. On en rencontre encore maintenant dans une toute autre école ou dans une toute autre manière de penser, mais il y en a partout de ces fanatiques, de ces personnages qui se pensent comme les seuls détenteurs d'une vérité que d'autres nous dérobent. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il y a de chez Verkhovensky de très important, c'est la médiocrité. Pour Camus, je me rappelle qu'il me parlait souvent de comment jouer avec sa médiocrité. Comment jouer avec ce qui va nous manquer? Comment faire croire que rien ne nous manque? Jouer avec les êtres? Enfin, il traite son père d'une façon absolument épouvantable. Épouvantable. Oui. Épouvantable. Il traite tout le monde de la même manière qu'il ne traite son père. Il est absolument... mais on rencontre de ce genre de gens dans toutes les sociétés, à toutes les époques et dans tous les moments de la vie. Par moments, ils prennent un pouvoir et puis ça s'écrase et ils entraînent avec eux énormément de catastrophes. Mais enfin, c'est des démons, comme le dit l'auteur. À un moment, il y a une scène avec le père où le père maudit Stéphane Trofimovitch, pâle comme la mort, maudit son fils, je te maudis. Réponse de Pierre Stepanovitch. Peut-on être aussi bête que cela? Et il a l'air stupéfait. Il dit « Adieu, vieux, je ne viendrai plus jamais chez toi. » Oui, c'est un personnage. Et moi, je me souviens très bien que je m'étais dit, il est tellement, dans le texte même, tellement bien décrit, qu'il faut le présenter d'une manière différente. Alors, je m'étais fait faire une coupe de cheveux, quelque chose de très raffiné. Et j'étais habillé très, très correctement par Maillot, qui avait fait des costumes très, très, très bourgeois, puisque c'était une société bourgeoise. Et tout le décor était absolument comme les intérieurs des endroits raffinés en Russie au moment de la création de Pétersbourg. C'est-à-dire, pas du tout de misérabilisme, pas du tout de choses. On parlait le russo-français. Oui, c'est c'était ça. C'était la haute société pétersbourgeoise. Oui. Donc c'était monté comme ça, c'était monté assez dans un parti pris de vérité, de photographie des gens de cette époque. Du contexte. Oui, et pas du tout interprété comme ce que veut dire la pièce. Ça a dérangé énormément de gens qui s'attendaient à ce qu'on joue du misérabilisme, de la montée du communisme, de ce que la pièce veut dire. Non, c'était monté, au contraire, très, très, très, très, très, comme si tout allait très bien. Comme si tout allait très bien. Et donc, tout ça était très, très de bonne tenue. Vous voyez ce que je veux dire? C'était comme des photographies, comme des tableaux, non, comme des tableaux, il y avait comme 8 des tableaux et 25 personnages. Et faire la dichotomie évidemment entre ce qu'on voyait et ce qui était dit. Donc, il avait joué là-dessus, Albert. On reconnaît là, d'ailleurs, comment dirais-je, son honnêteté profonde par rapport, si vous voulez, à l'époque, par rapport au moment du temps, etc. Et pas d'essayer d'entraîner le spectateur dans des choses, je veux dire, spectaculaires, qui seraient censées être la vision du metteur en scène, si vous voulez, sur ce moment du temps. Non, pas du tout. Et alors, il avait pris le risque de monter ça comme ça a dû être au moment où les événements se sont produits dans une ambiance pseudo-aristocratique, tsariste. Fin de siècle, tsariste. Fin de siècle, etc. Haute société. C'était monté très comme ça. Alors que le texte, lui, est dément. Oui, le texte est justement le contraste du texte, si vous voulez, de ce texte magnifique et violent, où la confession de Stavrogin, par exemple, que jouait Blin magnifiquement, prend une allure de scandale, si vous voulez, de quelque chose de... Comme si ce décor compassé, bourgeois, oui, etc., servait d'écrin au pire. Au pire. Alors les gens étaient déroutés parce qu'ils pensaient que ça se passerait autrement. C'est-à-dire, en tant que metteur en scène, si vous voulez, il a respecté admirablement, il a essayé, tenté de respecter admirablement la photographie de l'époque. Catherine Sellers. En fait, moi, je l'ai vu jouer en quatre circonstances. D'abord, quand il donnait des indications, parce qu'il sautait sur la scène et il indiquait, en surjouant un peu, mais il indiquait ce qu'il souhaitait, pas du tout pour qu'on copie ses intonations, d'ailleurs, ni ses gestes, mais pour donner une indication d'élan, d'impulsion. Bon, je l'ai vu là. Ensuite, je l'ai vu quand il a remplacé ce comédien qui s'appelait Michel Morette et qui jouait le gouverneur. C'était la scène de la confession de Temple. Et alors là, c'était extraordinairement émouvant parce que il n'était pas en face de moi comme un acteur. Il n'était que oreille et écoute et regard, je veux dire. Il se préoccupait pas du tout de lui-même, vous voyez. Il n'était que attention à l'autre. Et c'était une chose tout à fait bouleversante qui me bouleversait et qui l'a bouleversé lui au point que il avait même envisagé de le faire en tournée. Évidemment, c'était pas possible parce que il ne pouvait pas s'absenter de Paris pendant des mois. Mais en même temps, il a tenu à ce que ça ne se sache pas. Donc il ne voulait pas en faire une affaire publicitaire. Tout à fait. Il voulait simplement assurer, comme un joueur dans une équipe, il y a un blessé, il prend la place. Exactement. En attendant que le joueur reprenne sa place. Oui, tout à fait. Mais vous avez dit, Catherine Sellers, en surjouant, est-ce qu'il n'était pas quelqu'un qui aimait trop le psychologique dans la direction d'acteur, justement ? Oh, pas du tout. Bon. Pas du tout. Je me rappelle, il me donnait des indications qui étaient les indications normales qu'on donne à des acteurs, les indications de dramaturge, spécialement pour Les Possédés, qui était un sujet qu'il connaissait bien, puisqu'il y avait L'Homme révolté auparavant. Donc il nous avait donné toute une documentation sur le terrorisme, sur l'époque, etc. Mais ces indications n'étaient pas des indications, bien, un minimum de psychologie. Mais par exemple, moi, je me souviens d'indications qu'il me donnait et qui étaient des indications beaucoup plus par image. Par exemple, il me disait, imaginez que c'est une spirale qui s'enfonce dans la terre, ou bien c'est une bobine qui se, une pelote de laine qui se déroule jusqu'au dernier fil. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la pelote est encore pleine. Ou bien, la tragédie, puisqu'il considérait que Requiem était une tragédie moderne. La tragédie, c'est comme les anémones, le cœur noir et toutes les couleurs de la vie. Il n'y a ni tristesse, ni mélancolie, ni morosité. C'est de l'énergie pure. Il paraît qu'il aimait à mettre dans l'ambiance et qu'il mettait de la musique russe qui vous apportait à manger des trucs russes. Est-ce que vous confirmez ça ? Non, pas du tout. Je ne me rappelle pas de ça. Et est-ce que vous vous souvenez, l'anecdote raconte, que pour la centième des possédés, il a remplacé de l'eau par de la vodka ? Oui. Et oui, que ça, c'est vrai. Ce qui a posé un problème sur une de vos tirades. Oui, c'est la dernière scène avant l'entracte. Pierre Verkhovski se met à pérorer, n'est-ce pas, sur ce que doit être la vie future, ce que doit être, enfin, la justice. La justice, tout ça, et puis, etc. Et en ce moment, et il boit des verres de vodka les uns sur les autres, comme ça. Et à la dernière, il avait mis de la vraie vodka, Albert, dans les choses. Ce qui fait que, heureusement, vous en êtes aperçu sur scène ou? J'ai bu la première vodka, et après, j'ai dû reprendre encore un ou deux petits verres, mais j'en prenais très peu. Mais ça a réussi quand même avec l'excitation du jeu, si vous voulez, ces vodkas, ces petites vodkas comme ça, superposées les unes sur les autres. Il était temps que le rideau se baisse, parce que, sur l'entracte, parce que j'étais vraiment, alors j'ai dû aller prendre des camomilles, je ne sais quoi, pendant l'entracte pour pouvoir continuer à jouer la seconde partie, parce que il ne s'était pas rendu compte que je serais complètement ivre. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte que l'excitation du jeu double et triple l'éthylisme. L'éthylisme. Et au bout de petits verres, avec l'excitation du jeu et tout ça, ça prend des proportions absolument effrayantes. Et donc, oui, il y a une autre anecdote qui le dépeint très bien. Si vous voulez, c'était un camarade avec nous. On travaillait en équipe, comme une, il le disait souvent, comme une équipe de football. Qui était très important, le foot, pour lui. Oui, oui, oui. Et il disait, on est en équipe. Et lui s'arrangeait pour être un coach vraiment très savant. C'est un souvenir magnifique parce que il était tellement heureux. Et j'ai jamais vu un metteur en scène tellement heureux, moi, personnellement, dans ma vie, avec tous les metteurs en scène que j'ai pu fréquenter. Mais lui, c'était vraiment son bonheur. Il retrouvait ses souvenirs de jeune homme quand il jouait d'un peu de théâtre à Alger avec des copains, etc. Il retrouvait cette atmosphère, mais alors en grand, avec un grand théâtre qui est le Théâtre Antoine, avec tous les moyens, etc. Alors il était enchanté de ce qu'il voyait. Moi, je ne peux pas me rendre compte de ce que le spectacle donnait, rendait. Moi, j'ai des avis très différents maintenant, avec le recul. J'ai des gens qui me disent que c'est un des spectacles qui les a les plus frappés dans leur vie, et d'autres qui disent le contraire. Donc, je ne sais pas très bien ce que ça pouvait donner, mais je sais... On peut imaginer que ce spectacle provoque une félicité ou un déplaisir comparable, mais que c'est un peu le même effet, d'une certaine façon, non ? Oui, oui, sûrement. Un texte de Dostoïevski met mal à l'aise. Bien sûr, S'il fonctionne, il met mal à l'aise, quand même. Ben oui. Puis alors, les gens qui pensaient que Camus allait faire une chose, si vous voulez, dans le sens de sa haine du communisme, enfin, de ça, se trouvaient avec un spectacle presque glacé, un peu bourgeois et propre, n'est-ce pas, et impeccable. Pour certaines personnes, c'était une déconfiture, alors que pour d'autres, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Mais lui, il ne s'en préoccupait guère, il l'avait fait, il était content de l'avoir fait, il était content. On a été joué à Venise, à la Fenice, 3 représentations. Et ce cher Pierre Blanchard, qui était un homme absolument exquis, adorable, un homme d'une qualité magnifique, était tellement heureux. Depuis les répétitions à Paris, il nous disait, mais on va aller jouer à la Fenice. Alors pour lui, c'était... Alors qu'il avait une carrière phénoménale, enfin, etc., et qu'il avait tout... Et il était heureux comme un enfant. Mais heureux jouer. Comme un enfant. Et il était ému à l'idée de jouer à la Fenice, les possédés de Dostoïevski dans l'adaptation d'Albert. Et alors, je rappelle que ça dépeint bien Albert, parce qu'il était dans la coulisse avec moi, et on était mort de peur, évidemment. Mort de trac, on l'avait déjà joué beaucoup, mais on était quand même mort de peur de jouer dans ce cadre de la Fenice à Venise. Et il y avait une scène entre Tania Balachova et Pierre Blanchard qui commençait la pièce. Et Pierre Blanchard était tellement ému et bouleversé de jouer, etc., qu'il n'avait pas fermé sa braillette. On voyait, mais sa braillette absolument ouverte. Sur sa chemise blanche. Il a commencé comme ça. Et Camus, qui était dans la coulisse avec moi, il a ri, parce qu'il savait que... Mais il n'osait pas dire à Blanchard, hein, de la coulisse, attention, il n'osait pas. Et parce qu'il s'est dit, c'est une des plus grandes choses de sa vie de jouer à la Fenice, alors on va pas le troubler, il va être dans un état épouvantable, alors il n'osait pas lui dire. Mais on riait tous les deux en coulisses, mais on lui faisait quand même des signes à la fin, une grande scène comme ça, il commence comme ça. Magistral. Oui. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il avait sa baille. Et alors, il s'est mis tout à coup dans un état épouvantable. Il s'est précipité sur une des fenêtres du décor, de dos au public, et puis il a arrangé la chose de façon à ce qu'il est revenu. Mais ça lui avait gâché sa soirée. Et alors, il était d'une tristesse épouvantable. Et alors, je me rappelle que Albert nous avait invités, parce qu'il était d'une générosité incroyable, Il nous avait invités au restaurant qui est à côté de la Fenice, comme ça, pour dîner après le spectacle, parce que le spectacle était très long, dura 3 heures. Il nous avait fait réserver une grande table pour nous tous, enfin, on était tous là, et etc. Et on a essayé de consoler Pierre Blanchard, mais on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Il a fallu beaucoup, beaucoup de vin, de toutes sortes, pour qu'il lui faire oublier pour lui faire oublier la chose. Mais ça montre à quel point il était, si vous voulez, avec nous complètement. Et Camus, ça l'avait fait rire, ça. Ah oui, ça l'avait. Il était mort de rire. C'est typique de ce qu'il était. C'est typique. N'importe quel metteur en scène aurait dit quelle catastrophe, cet imbécile, il n'a pas fermé sa braille de mon spectacle et ceci et cela. Non, pas du tout. Camus, lui, s'amusait, mais comme un enfant. C'est sa générosité, cette générosité, c'est ce sens de l'amitié, celle de la fraternité, de la camaraderie, quoi. Il avait ça merveilleusement. Alors, je voulais vous dire, cette hantise du corps, vous savez, sa phrase, le théâtre, c'est une histoire de grandeur racontée par des corps, c'était sa formule. Et puis, il y avait une autre phrase de Nietzsche qu'il considérait comme une devise pour les acteurs, et qui était, pour les acteurs et pour les écrivains, qui était, il faut se méfier de toute pensée qui ne vient pas de la fête du corps. Le vrai péché contre l'esprit, c'est le cul de plomb. Et il trouvait que c'était une devise pour les acteurs, vous voyez. Il avait, comme on le sait, un culte pour le corps. Il aimait les gestes larges, les grandes respirations, c'était une chose primordiale pour lui. Il n'aimait pas qu'un acteur soit voûté ou étriqué. Et d'ailleurs, c'était une chose qu'il se reprochait en tant que metteur en scène. Il disait que autant il s'enthousiasmait facilement pour les acteurs, autant il pouvait être déçu devant des gens, sans courage ou morose. Et alors là, il baissait les bras. Il n'était pas, c'était pas quelqu'un comme Balachova, par exemple, ou qui allait fouiller dans le cœur des acteurs. Il n'y avait pas de viol psychique. Parce qu'il pensait que les acteurs devaient connaître leur métier, en tout cas le minimum. Se faire entendre, savoir se déplacer en scène, etc. Le métier était une chose acquise, il n'était pas pédagogue. Ça s'est passé merveilleusement bien, quoi, c'est-à-dire. Alors, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas rencontré dans ma vie, dans ma vie d'acteur, je n'ai jamais rencontré un homme qui me touche, je veux dire, de par la fraternité à ce point-là. À ce point, oui, oui. C'est vraiment typique de lui. C'est un don. Ah oui. Le don d'être parfaitement en accord avec ce qu'il écrit, avec ce qu'il est, avec l'expérience de la vie qui est la sienne, parfaitement. On ne peut pas le prendre en faute d'une seule seconde. Ça, c'est tout à fait exceptionnel chez lui. Il a gardé sa pureté de jeune homme, il l'a gardé toute sa vie, il a gardé son honnêteté. Est-ce qu'il n'y a pas entre Camus et vous, cette fois-ci plus spécifiquement, une proximité, j'allais dire, je ne veux pas présumer de votre tempérament, mais pour ce que j'en sais, libertaire. Enfin, libertaire au sens plus anarchiste. Il y a quelque chose. Est-ce que vous ne partagez pas une sorte d'inspiration qui serait celle-là? Mais c'est-à-dire qu'il est scorpion, Camus. Moi, je suis double scorpion. Il y a la franc-maçonnerie des scorpions entre eux. Et c'est quelque chose de très, très curieux. Souvent, les gens d'autres signes se combattent peut-être en. Les scorpions s'allient. Et donc, il y avait cette entente entre nous, ce qui fait que il pouvait très bien, pendant les répétitions des Justes, je me rappelle un jour, il nous a dit, oh, il faut qu'on aille voir la tombe de Van Gogh, Michel. Vous ne la connaissez pas? Mais j'ai dit non, je n'y suis jamais allé. Et il y avait moi, je connaissais évidemment très bien Van Gogh, mais enfin, je ne. Dans Desdemone? Dans sa voiture. Avec Maria, on est allé. Et on a fini la soirée, ben, je me rappelle, au Barcelone, devant le Casino de Paris, là, il y avait un restaurant qui s'appelait le Barcelone, et on était tellement émus de la rencontre avec la tombe de Van Gogh, on était tellement... lui, il y allait souvent, mais moi, c'est la première fois que j'y allais avec Maria, et... Maria, c'est Maria Casares, oui, hein. Oui. On était très émus d'être avec Camus devant la tombe de Van Gogh. Est-ce que c'est pas pendant ce voyage qu'il vous a dit que rien n'était plus bête à ses yeux que de mourir d'un accident de voiture? Oui, c'est pas pendant ces voyages-là, c'est après, quand on a été, je veux dire, justement à Venise, je crois, dans le train, qu'il m'a dit ça, oui. Qu'il a dit ça. Rien n'est plus bête que ça. Alors, il y a cette filiation de scorpion à scorpion. C'est très particulier, ça. Tu peux vous demander votre anniversaire ? 6 novembre. Le 6 novembre ? Oui. Donc, vous étiez son aîné d'un jour. Le 6 novembre. Oui, le 6 novembre, 25 mois. Je reviens encore en amont. Dans Caligula, vous donnez la réplique à Gérard Philippe, qui vous donne la réplique aussi. Vous êtes sur scène et il y a par exemple la scène où Scipion dit à Caligula qu'il ne le déteste pas, ou peut-être qu'il le déteste, mais il n'a pas envie de le tuer. Il se défend de vouloir le tuer. Oui. Scipion, c'est quand même celui dont Caligula tue le père. Oui. C'est Scipion le jeune. Oui, oui. Et il veut pas faire partie des conjurés. Oui. Vous aviez 19 ans quand vous avez interprété ce rôle. Oui. Qu'est-ce qui y passe par la tête d'un acteur de 19 ans quand il doit jouer le rôle d'un homme? D'un tout jeune homme, mais j'avais exactement l'âge du rôle. Gérard Philippe était un peu plus jeune que Caligula et vous aviez l'âge de Scipion exactement. Ah, oui, oui, oui. Quand on joue un personnage qui dit « tu as tué mon père, mais je ne te tuerai pas », un peu comme Hamlet. Non, c'est plutôt comme un jeune René Char, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose quand même dans Scipion de le constructif, de d'apaiser, de il a la patience de la pierre, quoi. Il connaît la mort. Oui, il est déjà pierre. Il est déjà un peu au-delà du chemin de Caligula. C'est ce qui trouble Caligula, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a la fameuse scène où Caligula fait passer des auditions. Oui. Qui est la scène la plus drôle de la pièce, d'ailleurs. Où, avec un sifflet rageur, il interrompt dès que le texte est nul. Et il y a Scipion qui arrive. Et qui, en trois phrases, sèche Caligula. Ça, c'est magnifique. Oui, oui. C'est la position de Camus par rapport à la position des héros dépossédés, si vous voulez. Des révolutionnaires, des Scipion, c'est Camus, non? Mais j'ai l'impression... C'est le personnage qui lui ressemble le plus. Oui, c'est le personnage qui lui ressemble le plus. C'est le trajet qui lui... Il n'a pas développé, d'ailleurs. Il n'a pas développé beaucoup le personnage. Mais le personnage est très saisissant. Parce que c'est le personnage qui refuse de se venger. Oui, oui, oui, oui. Oui. C'est magnifique. Ah, mais... Et c'est comme une prémonition de ce que va être tout le trajet de Camus, quoi. Oui, parce qu'au moment de l'homme révolté, par exemple, il se fâche avec ses amis. Oui, oui. Mais il ne s'en venge pas. Ah non, il ne s'en venge pas. C'était pas un tempérament vengeur. Il n'était pas rancunier, Camus, non? Ah non, pas du tout. Oh, pas du tout. Pas du tout. Il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps et il n'avait pas la complexion de la rancune. Pas le tempérament de ça. Pas le tempérament de la rancune ou du... Ah non. Et en même temps, il n'avait pas cette obscurité-là, mais il était sombre, non, parfois. Vous n'avez pas le souvenir d'un Camus qui, de temps en temps... Ah non. Sûrement, tout seul, oui. Tout seul, par rapport à lui-même, peut-être. Encore que, moi, je crois pas. Non, non, non, non. Il avait cette aura qui le protégeait et qui lui faisait garder une ligne humaniste de l'existence. Il était protégé. Il avait cette chance d'être, ce que n'a pas Sartre. D'être beau. Beau, d'être intelligent, d'être et modeste. Mais de se sentir dans une aura de bonheur possible, tout en sachant qu'il ne faut pas y céder, quoi. Qu'il ne faut pas y aller. Mais Mais... un peu, il comprendrait ceux qui choisissent le bonheur et qui ne pensent qu'à eux. Il peut comprendre ça. Il peut comprendre ça. Vous vous souvenez, dans La Peste, à un moment, il y a le journaliste Rambert qui est coincé à Oran. Et il était là pour faire un reportage et il se retrouve coincé dans la ville. Alors, il veut partir, évidemment, parce qu'il ne veut pas rester dans ce cauchemar. Et il dit ça à Rieux. Et Rieux lui dit, mais je vous comprends. Je pourrais vous dénoncer, mais je vous comprends. Donc, Camus a... comprenait l'égoïsme de ceux qui s'en tiennent à leur petit bonheur. Oui, il comprenait, puis il, je veux dire, il ne portait pas de jugement là-dessus. Il laissait les êtres libres, il ne pensait pas pour eux, ou pour influencer. Il ne se serait pas permis ça. En fait, on n'a qu'à regarder ces distributions, qui sont complètement... aberrante d'un point de vue psychologique. D'abord, par rapport à moi, il m'a choisi, alors que Thierry Mounier avait dit c'est une jeune américaine blonde aux longues jambes. Ça, c'est pour la nonne. Pour la nonne. Bon, il m'a choisi. Et je rappelle à nos auditeurs que vous n'êtes pas grande aux longues jambes et que vous êtes plutôt brune. Je suis petite brune. Voilà, ça c'est vous qui avez dit petite, mais c'est... Alors que je me rappelle, nous avons été voir ensemble après une version de Piscator où la femme était une tonitruante et éclatante rousse. Pétulante. Mais pour la noire, pour Nancy Manigault, il a choisi... Il aurait pu prendre une actrice noire. C'est vrai qu'à l'époque, il y en avait moins, peut-être, que maintenant. Mais il a choisi une Russe, blanche, immense. Ce qu'il cherchait, c'était la démesure. Peu lui importer la couleur de la peau. Ce n'était pas une question raciale. C'était ce qu'il voulait que les spectateurs reçoivent dans les sens. Quand il a monté Les Possédés, mon frère, Lebiadkin, est décrit dans Les Possédés comme un géant roux. Et il m'a donné comme frère, j'en étais ravie d'ailleurs, Charles Denner, qui est un petit noireau. Magnifique acteur. Magnifique, oui. Absolument. Qui a été un grand ami. Pourquoi êtes-vous parti? J'en avais assez. Et votre comédie avec Chatoff m'a écœuré. Mais je ne vous laisserai pas faire. Il s'est dénoncé. Vous êtes un menteur. Je vous ai déjà dit pourquoi vous aviez besoin du sang de Chatoff. Il doit vous servir à cimenter votre groupe. Vous venez très habilement de me faire partir. Vous saviez très bien qu'il refuserait de dire « je ne dénoncerai pas ». D'accord, d'accord. Mais il ne fallait pas partir. J'ai besoin de vous. Je m'en doute. Puisque vous voulez me pousser à faire tuer ma femme. Et pourquoi faire? À quoi puis-je vous servir? À quoi? Mais à tout. Ah, et puis vous avez dit vrai. Soyez avec moi et je vous débarrasse de votre femme. Il a le charme, il a l'intelligence, il a Gallimard à ses pieds, il a le prix Nobel, il a tout, et il a tout en tout. Et en même temps... En même temps, il est malade. Il a la tuberculose, il a des morts autour de lui. Il a des morts autour de lui, il n'hésite pas dans ses choix, par exemple, dans ses choix de désir, il y cède, quelle que soit la douleur qu'il peut provoquer, ça c'est une chose chez l'autre. Mais c'est aussi un devoir de justice d'obéir à son désir. Et il le prend comme ça. Vous diriez un devoir de justice. Oui. Oui, c'est beau. Oui. Il se doit à lui-même de répondre à ce désir, s'il ressent le désir, quelle que soit la souffrance que ça peut provoquer chez l'autre. C'est un paradoxe, c'est quelque chose de très bizarre, de contradictoire en tout cas. Il était gracieux aussi dans ses gestes. Lui-même, oui. Il aurait pu être acteur, non? Il l'a été un peu, mais il avait cette... Il ne pouvait pas être acteur parce qu'il était trop lui-même. Non, il ne pouvait pas être acteur, mais il était fasciné d'ailleurs de voir chez les acteurs, ceux qu'il considérait comme des acteurs importants, ce don de devenir quelque chose d'autre. Ah, ça, ça le sidérait sûrement beaucoup, oui, de devenir Il comprenait très bien que je dise que Pierre Vatkovetsky, moi je ne voulais pas l'entendre parler, que je n'avais pas envie d'entrer dans les... D'incarner ce sale type. D'incarner ce type... Ce type terrifiant, n'est-ce pas? Ce type terrifiant. Il le comprenait très bien, mais il en avait besoin. Il avait besoin que je le joue. Alors, et donc, il insistait. Mais il savait que j'étais capable de déceler certains secrets de ce personnage-là. Pas tout, évidemment. On ne trouve jamais tout d'un personnage, mais certains secrets, certains. Pour les mettre à jour, pour le révéler au public, pour lui dire, vous voyez, ce genre d'homme. Oui. Quel est, pour vous, le texte de Camus qui vous a le plus marqué, le plus... Moi, c'est La Chute, je crois. Parce que c'est... Pourtant, c'est le texte où il ressemble le moins au portrait que vous en avez fait. Bah oui, mais parce qu'il a l'honnêteté de le faire, ce portrait-là, de lui. Ce qui lui évite d'être ce personnage-là. Ou en tout cas de lutter contre ce personnage qui est en lui. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons à quai. C'est la fin de cette grande traversée intitulée à l'époque Albert Camus, La pensée de midi, en référence au dernier chapitre de L'homme révolté. Alors il vous reste encore une friandise, hein, une louche de caviar disponible en ligne, une émission d'1h30 avec Michel Murat et Michel Jarty sur La Chute, le roman le plus sombre de Camus que Michel Bouquet aime tant. Grand merci à l'issue de cette aventure à Marie-France Thivault qui avait accompli un brillant travail de réalisation justement salué en son temps, à Denis Lavant dont la voix aussi nous a accompagnés, à Assia Khalid au travail de qui nous devons de pouvoir rediffuser cette semaine solaire, à Marc Voinchet qui m'avait convaincu à l'époque de me lancer dans l'aventure de cette grande traversée et enfin à Sandrine Trainer et Vincent Lemaire pour avoir décidé de rediffuser ces émissions désormais indéfiniment accessibles en ligne vive Internet. Bel été chers auditeurs, invincible été comme dirait Camus en préface de L'Envers et l'Endroit, que sa chaleur vous accompagne et fasse fondre au moins 10 années de banquise, un bonheur, mieux, un plaisir de vous retrouver, portez-vous bien.